Activité 1B. Écoutez et soulignez les lettres EN quand elles sont prononcées en, comme France. 1. Les fonctionnements de ces programmes présentent des avantages. 2. Les parents parent aux difficultés des étudiants qui se contentent de peu. 3. Les enseignements de cet établissement, dont les professeurs très compétents enseignent en deux langues, complètent les études des jeunes. 4. Ils se perfectionnent dans les deux langues. 5. Cela donne des références qui constituent un bon complément. 6. Des tuteurs référents sont présents et aident au perfectionnement. 7. Les informaticiens s'équipent avec ces équipements ultramodernes. 8. Ils expérimentent un nouveau système. 9. Ils jugent le déroulement de leur expérience positivement. 10. Ils commencent très tôt, mais ce n'est que le commencement, et ils positivent énormément.